Les gazeux sont souvent des vieux, pas très marrants, un peu sérieux. Et elles écoutent ça religieusement, pensant bien fort en leur maman. Moi je m'emmerde, y'a trop de notes. Le rock bourrin, ça me botte. Mille assis, donc pas sol. Pas de dièse, pas de bémol. Le jazz me gave. Le jazz c'est chiant. Le jazz me gave. Le jazz c'est naze. J'ai découvert que cet univers, c'est pas ce qu'il y a de mieux sur terre. Des intellos, des toxicos, ceux qui se la jouent, ceux qui me les brisent. Quand ils se la pètent au saxophone, un furieux pote tout ton pote. Oh là là, j'aime pas ça, ça me déprime, y'a trop de fric. Le jazz me gave, le jazz c'est chiant. Le jazz me gare, le jazz est naze. Restez assis, mes petits amis, ça finit à minuit. Aux alentours de minuit, c'est l'heure d'aller au lit. Je crois que je vais rentrer chez moi pour me taper une petite nana. Je resterai là, et je resterai là, et je resterai là, et je resterai là, au fond de ce bois. Au fond de ce bois. Au fond de ce bras. Au fond de ce bras. Au fond de ses bras. Au fond de ses bras. Au fond de ce bras.